J'ai beau me dire qu'il faut le temps, j'ai beau l'écrire, c'est noir sur blanc. Quoi que je fasse ou que je sois, c'est en 32 ou en 64, je sais pas, je sais pas si 124 bits ça va. Attends, donne-moi le tempo. Je regarde le tempo, hein. Tempo de patois, c'est combien le tempo? C'est 70 BPM. Tiens, on va essayer de faire tourner en 4 accords, mais. De toute façon, je vais voir l'approche, tu vas voir. En gros, je vais voir comment je vais attaquer l'approche. Mais. Papa. Je vais peut-être mettre des. Tcha-tcha. Et tcha-tcha. Mais c'est comme ça. Puis toi, au piano, tu plaques les accords. On va essayer de faire ta do, comme ça, un truc comme ça. Toujours sur le truc. J'ai dit envoie-le-moi par mail là, l'autre morceau, puis après je verrai ce que je peux en faire à la voix. Ok, ça fait ça, 70. Attends. Ouais, ça va comme ça, regarde, écoute. Ouais, ça va à peu près comme ça. Je te guiderai au fur et à mesure des accords. Mais je vais faire tourner 4 accords, mais non, ça devrait marcher. Non, c'est plusieurs accords, mais. Ah, toi, il y a mes enfants qui parlent en même temps, fais chier.